Voici Guillermo Guiz. Ça va les amigos? Ouais. La prochaine fois que tu veux tousser, tourne la tête. Pas de moi, je vais vous parler d'amour ce matin. Et vous allez me dire, mais ferme-la, qu'est-ce que tu connais toi? Tu connais rien à l'amour, t'as le cœur sec, t'as jamais mis qui que ce soit dans ta vie. Ça va Nagui? Ça va, on va pas revenir là-dessus. Combien de fois je dois m'excuser? En même temps, je trouve que c'est votre coutume là qu'on doit tous vous dire je t'aime dans votre bureau juste avant l'émission. Franchement, ça à la limite, mais d'abord c'était je t'aime, puis c'est devenu je t'aime et un bisou sur la tempe. Après un hug avec vos quadriceps, c'est pas ça Nagui, hein? Ça c'est pas ça. Demandez-vous deux secondes, est-ce que c'est les cuisses de l'homme ou les cuisses du patron qu'on doit embrasser à 10h56? Faut se méfier des sentiments sur le lieu de travail. Vraiment, rappelez-vous ce qu'il disait Pierre Tchernia à ce sujet. Fuck l'amour, moi tout ce que je veux c'est piner de la stagiaire. Ah, il nous manque Magic! Il nous manque Magic! Ah, Magic, il nous manque! Regardez ce qui s'est passé chez McDo début de semaine avec le grand patron Steve Easterbrook. Et là, quiconque est un petit peu familier des ressorts de la chronique amusante se dit, tiens, l'intro prétexte est fini, il est désormais question d'un fait d'actualité. Est-ce qu'on serait pas par hasard en train de passer au cœur de ce billet? Bien, c'est ça, c'est maintenant, c'est le cœur du billet. C'est fou, hein, c'est bien amené parce que d'abord j'ai essayé de concerner l'équipe avec une évocation de notre tyran. Et là, regardez, je vais essayer de concerner l'auditeur maintenant. Et Steve Easterbrook, il a 52 ans, mais ça veut dire que dans 25 ans, il en a 77. Hein. Voilà, l'auditeur d'intérêt est concerné maintenant. Donc c'est vraiment les gens ici dans le public aussi, c'est une science. Hein. En gros, Steven Easterbrook, en fait, il a une relation avec un membre du personnel, relation consentie, d'accord? Mais chez McDo, c'est interdit. Du coup, malgré ses bons résultats, le grand patron, il s'est fait dégager comme une merde. Et j'ai comme vous, premier réflexe, je me suis dit, tu sais quoi, le grand patron de McDonald's, fondamentalement, son sort, je m'en bats les steaks avec une pince à barbecue. Vraiment, il peut crever dans une cassolette de poisson becquetée par un rouget, ça me fait ni chaud ni froid. J'ai une vache au téléphone et elle m'a dit, j'ai perdu 164 membres de ma famille à cause de lui. Mardi, tu vois vraiment, donc on est bien d'accord. À part les statistiques des maladies cardiovasculaires, ça va faire, ça a personne qui va le regretter. Ceci dit, Steven Easterbrook, il est quand même le 5 ou 6e grand patron américain qui saute pour les mêmes raisons, quoi. Et ça pose question. Et là, quiconque est un petit peu familier des ressorts de la chronique à vocation d'amusement se dit, ah, maintenant que les enjeux sont posés, est-ce qu'on serait pas sur le point d'avoir la position morale du billettiste? Est-ce qu'il y a peut-être même une chute? Parfaitement. On la voit pas. Position morale, position morale. Bon, l'amour entre adultes consentants, c'est de la merde. Ça sert qu'à vendre des stérilets, tout le monde sait ça. Ceci dit, il me semble que ça se commande pas. Un couple sur 5 se forme autre. Regardez Leila et Daniel par exemple. Oui. Voilà, tous les opposent. Oui. Et pourtant, alors regardez, parfois t'es attiré par quelqu'un qui a des touffes de poils partout dans les sinus. C'est comme ça, t'en peux rien. Tu choisis pas d'être ému par un ursidé. Eh bien, aimer, c'est ce qu'il a de plus beau. Il l'a dit Damien Sarr. Ouais. Après, Cécilia Carré, elle a dit qu'aimer, c'est brûler au cœur d'un volcan. Moi, je trouve qu'ils auraient dû se mettre d'accord. Quand même. Mais soit. Steven Easterbrook, je suppose qu'il a pas fait exprès de tomber amoureux, surtout si c'est interdit par son règlement. Pourtant, il a admis qu'il a fait une erreur de jugement. Et ça m'a fait de la peine. Imaginons, je croise Laurence Bloch, la patronne d'Inter, et bim, coup de foudre, elle me fait Ernesto, fils de la nouvelle lune, je te trouve vachement en beauté ce matin. Ça peut arriver, je suis du matin. Et ben, on fait quoi? Je lui dis non, Laurence Bloch, merci, mais impossible, vous êtes ma boss. Non. Je dis quoi? Forcément, on va se dire qu'elle est partiale avec moi parce que je suis non. Non. Qu'elle va me filer 5 chroniques par semaine en disant Tanguy Pastureau, Tanguy, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, mais je me rappelle plus de la bonne. Va savoir. En tout cas, chez McDo, ils ont choisi. Quand t'es patron chez McDo, tu peux ken tes clients, mais tu peux pas ken tes employés. Bim, une chute. Allez, bonne émission, les amis. Ouais. Oh, wow, wow, wow.